au milieu de la salle, une vasque baignoire. Vis-à-vis l'entrée de cette salle, une large haute toile d'argent, transparente. Au centre de la toile, une femme nue. Nue, à la lettre non. Cette femme était vêtue d'une chemise très longue, mais si fine qu'elle semblait mouillée. De là, un à peu près femme nue, plus traître et plus périlleux que la nudité franche. La femme dormait. Gwynplaine était à la fois pétrifié et bouleversé. Cette femme, il la reconnaissait, c'était la duchesse. Il l'avait oubliée. Il la revoyait, terrible. Il essaya de fuir et sentit que cela ne se pouvait pas. Était-il fait pair d'Angleterre exprès pour cette duchesse? Qui les amenait ainsi, l'un à l'autre? Qui était dupe? Qui était victime? De qui abusait-on la bonne foi? Gwynplaine, hors de lui, tremblait. Que faire contre cette rencontre? Quel sombre combat! Comment échapper?